voici l'humeur de Guillermo Gouy. Ah, si, oui, mais oui. Olé. Guillermo. Bonjour les amis. Salut Guillermo. Ah, merci, c'est gentil. Alors évidemment, vous allez me dire, ah tiens, qu'est-ce que tu fous là encore toi? Ah tiens, qu'est-ce que tu fous là encore toi? Et non, comme je suis un garçon honnête, je vous répondais, honnêtement, je sais pas. Mais pour paraphraser Madame Nagui, un samedi soir d'érotisme, qu'est-ce que finalement 3 minutes dans une vie? Donc, on va enfoiré. Quand même se poser la question ensemble. Tu tiens longtemps maintenant. Il progresse. Qu'elle m'a dit après. Donc on va se poser la question ensemble. Quel est le point commun entre Napoléon, Maître Gims et Virginie Efira? Oula. Ah voilà, bien si vous alliez plus souvent sur la page Wikipédia du 5 mai, au lieu de passer vos journées dans les cafés à médire sur le physique des gens, c'est leur anniversaire. Bande de fonctionnaires, vous le sauriez absolument. Vous sauriez aussi que c'est le 5 mai que Karl Marx aurait eu 201 ans. Et qu'avec lui ne se pose pas que la question de l'hygiène dans les grandes barbes, se pose aussi la question de l'irrémédiable déclin de la vie intellectuelle française. Ah oui, vraiment ? Ah oui, vraiment ? Oui, vraiment. Alors je vous le dis, il va falloir apprendre à me laisser développer un raisonnement sans m'interrompre, hein, Leïla. Je vous explique. Vous savez qu'aux États-Unis, on déclassifie les dossiers secrets après quelques décennies. Vous savez, ça. Et, genre, on dit, bah, en France aussi, non ? Oui, ouais, vous voyez le coup d'État là-bas ? Bon, on peut vous dire. C'est nous. Dingue, hein ? Dans 20 ans, on vous révélera si c'était pour le pétrole ou pour l'amour de la démocratie. Suspense ! Bon, ben là, un de ces fameux rapports de la CIA daté de 85 a été déclassifié et révèle que les espions américains ont scruté pendant des décennies le phare du gauchisme mondial qui était l'élite intellectuelle française. Ils se tapaient tout, hein. Camus, Althusser, Lacan, Sartre, Zitrone, tout le monde. Zitrone, c'est une hypothèse personnelle. Mon hypothèse, c'est qu'après avoir lu Lettre et le Néant, les mecs, ils se faisaient interville pour décompresser un peu. Quand même. Moi, j'ai essayé de lire Lettre et le Néant. Et ce que j'ai appris de cette méningite, c'est qu'on a vite fait quand même de condamner les autodafés. Pas vrai, Maréchal ? Affirmatif. Ouais, on est bien d'accord. Vraiment, alors, les Américains, ils étaient hyper inquiets de voir l'influence des intellectuels français sur l'atmosphère culturelle mondiale, parce que cette influence, elle était énorme. Donc, quand ils ont vu débarquer les nouveaux philosophes, BHL, Glucksmann et compagnie, dans les années 70-80, ils se sont dit « Merci mon Dieu !» Parce que oui, non seulement c'était fini l'anti-américanisme, mais dans la foulée, niveau crédibilité et influence sur le débat intellectuel mondial, ils ont plus ou moins replacé la France au niveau de la Moldavie. Il y a des ratons laveurs qu'on écoute plus aujourd'hui que BHL. Franchement, donc de nos jours, il reste un seul bastion du gauchisme mondial qui inquiète encore les Américains, les seuls tout derniers. Et ça me fait mal au cœur parce que je pense à la piètre image de la France qu'ont les Américains quand ils espionnent France Inter. Je veux dire, la matinale, Augustin Trapenard, ça va, il y a une dignité. Mais nous, quoi. Nous, t'imagines, t'es un espion américain, tu tombes sur une chronique de Daniel Morin. T'es obligé d'aller raconter à Trump le truc en lui disant « Écoutez, monsieur le président, nous on croyait que vous étiez sexiste. On a sous-estimé votre côté humain. » Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, c'est pas avec cette vie intellectuelle-là que la France va être le phare de quoi que ce soit, évidemment. À la limite, le phare d'Alexandrie. Non, mais je dis ça, c'est parce que c'est un milliardaire égyptien qui tire toutes les ficelles à France Inter. Enfin, oui, c'est l'humour de là-bas. Cherchez pas à comprendre, monsieur Midras. C'est dingue, à l'époque, les espions américains, ils lisaient Sartre pour déceler les traces du communisme dans l'existentialisme. Aujourd'hui, ils sont obligés de se taper les chroniques laborieuses d'un humoriste post-méningite. Quoi. Comme quoi, 3 minutes finalement, et je vous rassure par rapport à ça, ça peut quand même être long dans une vie. Allez, bonne émission, les amis. Merci, bravo. France Inter, Maggie, la bande originale.